connu son père et sa mère bosserait dans un couvent. Depuis qu'il est né, il est obsédé par le fait de devenir président. Présider un pays, diriger une armée, c'est pour lui comme un rêve d'enfant. Bobo en campagne présidentielle s'agitait danse devant les caméras. Hypnotisé par l'objectif, Bobo président, il s'y croit déjà. Il promet à tous, monte les merveilles, se gratte le cul et lèche son doigt. Ça fait de belles images pour la télé, mais les gens aiment bien et ne parlent que de ça. Bobo président, Bobo président. Une fois élu, il pourra côtoyer tous les grands de ce monde qui l'ont ignoré. Le lion majestueux, le sage éléphant, et surtout Cheetah et Tarzan. Et surtout Cheetah et Tarzan. Et surtout Cheetah et Tarzan. Bobo est élu, à l'immense majorité, les gens le trouvent sympa et marrant. Mais quand Bobo se met à parler, les gens le trouvent plutôt consternant. Bobo président, Bobo un sage président. Maintenant que c'est lui le chef, il peut décider de faire chez Monty si ça lui plaît. Rien n'a qu'à régler pour des pas d'argent. Bobo s'en fout, il est président. Bobo s'en fout, il est président. Bobo s'en fout, il est président. Président, Bobo président, Bobo président, Bobo, Bobo président, Bobo président, Bobo président.